dès 6-9 mois, les bébés connaissent un petit peu quelques mots. Le robot dans 20 ans, je m'appelle Peter. Je l'imagine descendre les poubelles. Je m'en charge volontiers. On est capable de diagnostiquer, de mieux traiter, dans quelques cas, avec l'ADN. L'espoir, finalement, c'est de réenchanter notre rapport au cosmos, à la nature et à la vie. Aujourd'hui, les promesses de la chimie verte. Depuis les années 50, nous sommes entourés de produits chimiques responsables des décharges toxiques, de catastrophes et de pollution. La chimie est plutôt mal vue. Pourtant, la chimie peut présenter une autre face. Elle est indispensable à notre compréhension du monde. Elle est au cœur de la production de nourriture, de médicaments, de carburants et d'innombrables produits. Stéphane Sarad est chercheur au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dans le domaine de la chimie verte. La chimie verte est un sujet qu'il défend avec passion et qu'il raconte avec jubilation. Sa tasse de thé, le café décaféiné, qui doit beaucoup à cette chimie différente. Avec la chimie verte, Stéphane Sarad détiendrait les clés d'un monde moins toxique, plus durable et peut-être plus accueillant. La chimie verte pourrait-elle sauver la planète bleue ? Stéphane Sarad y croit très sincèrement. Les aventuriers sur France Inter. Alors la chimie verte, c'est une façon un peu différente d'appréhender la chimie. Moi, j'ai été formé au siècle dernier, quand je faisais mes études, et j'ai appris que la chimie, c'était du rendement d'extraction. C'était produire des composés chimiques. La chimie verte est un concept qui est apparu à la fin des années 90 pour essayer de limiter les déchets, de limiter la pollution. Et à partir de cette vision de ce que devait être la chimie du futur, est né le concept de chimie verte qui s'est structuré autour de 12 principes. On ne va pas les énumérer tous, les principes. Non, ce sont des principes de bon sens, ce sont des principes qui existaient déjà, mais qui ont été structurés de manière un petit peu à avoir une réflexion globale. Et réflexion globale, c'est de dire, avant de faire une réaction chimique, je vais me poser la question, quelle matière première je vais utiliser, quel solvant, quelle énergie et qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire des déchets que je vais produire. Et c'est plutôt comment on peut repenser une chimie en lien avec son environnement. Donc c'est la chimie verte, c'est un petit peu ça, c'est le pont entre une industrie chimique et des consommateurs dans l'environnement. La chimie verte, ce n'est pas la chimie du végétal. Alors, la France est le seul pays où la confusion existe entre chimie verte et chimie du végétal. Peut-être parce que le premier livre qui s'appelle La chimie verte, qui est paru en France, a été fait par des gens qui venaient du végétal. La chimie du végétal, c'est une partie très importante de la chimie verte, mais la chimie verte, c'est bien plus que ça. C'est repenser globalement le processus chimique. Est-ce que la chimie verte permet de tout faire en chimie ? La chimie verte n'est pas une nouvelle discipline de la chimie. C'est une manière nouvelle de concevoir la chimie, c'est-à-dire une manière où on va pouvoir essayer globalement de prélever moins de matières premières, de produire moins de déchets. Et tout ça, ça va s'adresser à tous les secteurs de la chimie. Donc on en fait autant. On en fait autant. 31 octobre 1960, télévision française. 1980 verra se généraliser l'emploi des matières plastiques. Nous connaîtrons des tissus miracles. Le mot polyester sera entré dans le langage. Dès aujourd'hui, nous devons à cette matière des carrosseries automobiles, du reste. Nos maisons, nos outils, nos meubles seront peut-être polyestérisés. Mais chaque découverte de la chimie ouvre des espaces à la recherche. Chaque découverte entraîne des prospections dans les domaines voisins. C'est assez dire que biochimie, biologie sont des spécialités d'avenir. En 1960, est-ce que ce journaliste avait raison ? Je crois qu'il avait raison, puisque en 1960, l'industrie chimique, qui utilise une matière première qui s'appelle le pétrole, est en plein essor. Et grâce à cette matière première et grâce au progrès de la chimie, un très grand nombre de produits, de matériaux ont été développés, notamment les matériaux plastiques. Les matériaux plastiques qui semblaient répondre à beaucoup d'usages possibles, depuis l'agroalimentaire jusqu'aux véhicules, en passant par l'énergie. Donc les matières plastiques ont vraiment envahi le monde à partir des années 60. Et donc je crois que c'est assez normal que d'imaginer que ce journaliste ait pu voir le futur entouré de plastique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, il rajoute la biologie, la biochimie. Et là, vraiment, c'est un visionnaire, puisque les biotechnologies sont vraiment devenues, à partir des années 90-2000, un secteur très important. Le pétrole est à la base de beaucoup de produits de la vieille chimie, entre guillemets. Par quoi on remplace le pétrole aujourd'hui ? Alors, le pétrole, pour l'instant, on ne le remplace pas massivement. Le pétrole est toujours la matière première, notamment des matériaux plastiques. Puisque quand on parle de matériaux plastiques, on parle de polymères. Des polymères, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des monomères, donc des Legos que l'on va ajouter les uns aux autres. Et ces Legos de base, ces monomères, ce sont souvent des composés comme l'éthylène, issus du pétrole. Donc ça reste toujours un élément de base. Depuis maintenant une vingtaine, trentaine d'années, on sait remplacer ces molécules-là, comme l'éthylène par exemple, on sait fabriquer de l'éthylène à partir de canne à sucre, par exemple. Et donc, on est capable, avec de l'éthylène et du chlore, de faire du PVC, du polyvinylchloride, donc c'est-à-dire un polymère extrêmement courant. On sait le faire. Mais fabriquer de l'éthylène à partir de canne à sucre, alors qu'on peut l'avoir à partir du pétrole, se pose la question, bien sûr, du coût, mais aussi de dire, mais est-ce qu'il vaut mieux donner à manger aux populations plutôt que de fabriquer des matières plastiques ? Donc se pose cette question-là, et la chimie verte est au centre de toutes ces questions. On fabrique néanmoins des plastiques avec du végétal, avec des choses qu'on ne mange pas forcément. Tout à fait. Alors, notamment les déchets végétaux, et c'est un petit peu ça, la base notamment de ce qu'on appelle les produits biosourcés. Les produits biosourcés dont on vient de parler, c'est-à-dire des produits qui vont utiliser des matières premières renouvelables au lieu d'utiliser du pétrole, ces matières biosourcées, il est intéressant de les utiliser à partir de déchets végétaux plutôt que de plantes qui vont pousser exprès pour produire. Ça se fait. Et ça se fait. Il y a à l'heure actuelle plus de 300-350 produits biosourcés. Alors vous allez les trouver essentiellement dans les matériaux. On a parlé des matériaux plastiques, des composites. Pour le bâtiment, pour l'automobile, il y a par exemple on peut fabriquer des pare-chocs de véhicules à partir de déchets de biomasse, notamment un vinificole, des emballages, des selles de vélo. Donc ça c'est la partie matériaux. Et puis il y a la partie aussi molécules chimiques. C'est-à-dire qu'on va fabriquer des molécules chimiques, alors des noms barbares, hein, tensioactifs, surfactants, des lubrifiants. Alors les tensioactifs, c'est ce qu'on trouve dans les savons, donc ce sont des dégraissants. Et vous imaginez qu'on va trouver ces molécules-là biosourcées dans des applications liées à la cosmétique, à l'hygiène, dans les colles, dans les peintures. Mais restons sur les plastiques. Est-ce qu'un plastique qui est fait à partir de déchets végétaux, par exemple, est le même plastique que celui qui serait fabriqué à partir de pétrole ? Si c'est la même molécule, c'est le même plastique. Donc ce plastique biosourcé ne se dégrade pas mieux que le plastique fait à partir de pétrole ? Non. C'est pour ça que quand on parle de bioplastique, par exemple, c'est une définition qui couvre deux domaines, soit des plastiques biosourcés, soit des plastiques biodégradables, soit les deux. Mais vous imaginez qu'un bioplastique, ça peut être un plastique fabriqué à partir de matières fossiles, mais biodégradable. Quand on voit biodégradable sur un sac plastique, il n'est pas biodégradable facilement. Alors, tout dépend ce qu'on va mettre derrière le mot facilement. Si vous imaginez que c'est en une semaine ou un mois que le plastique va se dégrader, non, ça ne sera pas le cas. Mais l'idée, c'est d'avoir biodégradable, c'est-à-dire qu'on s'inscrit pas dans un temps très long. On s'inscrit pas sur 20 ans, 50 ans, 100 ans pour avoir une dégradation du composé. Mais certains ont besoin d'être chauffés, je crois. Alors oui, le fait de chauffer va aider. Et en fait, ce qui est intéressant aussi avec les plastiques biodégradables, c'est qu'on peut aussi imaginer pouvoir les recycler. Et en les chauffant, en récupérant un certain type de molécules pour refabriquer. Et je crois que c'est aussi ça l'enjeu de la chimie verte, c'est permettre de raisonner en circuit fermé et d'avoir ce qu'on appelle des boucles courtes. C'est-à-dire, si j'ai un matériau, si je le dégrade, mais peut-être que c'est plus intéressant de refabriquer le même type de matériau ou le même type d'objet avec ce matériau. Dans les années 60, on a créé déjà un premier plastique biosourcé. Alors ce premier plastique, effectivement, il s'appelait pas biosourcé, il s'appelait pas chimie verte, parce que ça n'existait pas à l'époque. Pourtant, il existe, il s'appelle le Rilsan. Le Rilsan, c'est un polymère, c'est un polyamide, le polyamide 11, qui est très intéressant, puisqu'il a été fabriqué avec de l'huile de ricin. Alors l'huile de ricin, c'est quelque chose qui existait de manière facile en termes d'approvisionnement en Chine, en Inde et au Brésil. Et des chercheurs français ont fait à partir de l'huile de ricin un polymère extrêmement intéressant parce que il permettait de tenir en température jusqu'à 180 degrés, mais surtout de fabriquer des objets comme des colliers de serrage qu'on va utiliser par exemple en jardinerie, des selles de vélo, des plastiques techniques. Et il faut savoir qu'à l'époque, le Rilsan était vraiment fabriqué pour être un concurrent du nylon qui était lui porté par l'industrie américaine. 18 avril 1969, télévision française. Cette usine dont le survol révèle les impressionnantes installations est unique au monde. Aux portes de Marseille, à Saint-Menet, c'est là que la société aquitaine Organico fabrique la base d'une matière plastique, le Rilsan. Produit 100% français, découvert et exploité par des Français, mais exporté dans le monde entier pour 60% de sa production. Sans entrer dans le détail d'une fabrication complexe, disons que l'usine de Saint-Menet reçoit l'huile de ricin, matière première, pour la transformer en un monomère qui sera, lui, la matière de base du Rilsan. En quittant Saint-Menet, le monomère peut prendre deux directions différentes, celle de l'industrie textile ou celle d'une autre usine de la société en Normandie, où il sera transformé en Rilsan, matière plastique qui se différencie des autres par ses qualités hautement techniques et trouve donc des applications adéquates. Vous le trouverez par exemple dans de multiples éléments du moteur de votre voiture, comme dans le matériel d'électricité et d'électronique. Il est encore utilisé en chimie, médecine et sous forme de film stérilisable, il représente un matériau intéressant pour l'emballage des denrées périssables. Voilà, vous savez tout, ou à peu près, bien sûr, sur le Rilsan. Il existe toujours ce Rilsan ? Il existe toujours, c'est toujours un produit phare de la société Arkema qui a développé maintenant plusieurs gammes de Rilsan et certains Rilsan sont capables de tenir à haute température et vous allez les trouver dans des véhicules, dans des conduites d'essence de véhicules par exemple peuvent être faits en Rilsan. Voilà pourquoi aujourd'hui la chimie verte privilégie les déchets verts. Alors oui, bien sûr, les déchets, ce sont ce qu'on appelle les déchets. Pour moi, c'est une source de matière première. Et c'est peut-être ça aussi l'intérêt du 21e siècle, c'est que c'est dans nos poubelles que se trouve peut-être notre futur en termes de durabilité. Vous savez que le développement durable, c'est un tabouret qui a trois pieds, un pied sociétal, un pied environnemental et un pied économique. L'utilisation et la valorisation de nos déchets, c'est à la base un élément qui est porteur pour la chimie verte, puisque la chimie verte va s'intéresser à trouver d'autres matières premières alternatives, notamment au pétrole. 22 novembre 1956, journal télévisé. Léon Zitrone, au salon de la chimie et des matières plastiques. En tissu de fibres de verre, voici un canot à moteur. Puis en polyester, cette carrosserie pour deux personnes qui auraient bien sûr une nature un peu moins riche que celle-ci. Et ces panneaux de signalisation et cette bande lumineuse sont également en polyester. En polyester aussi, nid d'abeilles, l'habitacle du radar, du vautour. De plus en plus d'ailleurs, l'aviation utilise des matières plastiques, tel ce réservoir largable contenant 625 litres. Le cœur électrique du Mystère 4. Cette caméra sous-marine dont se sert le commandant Cousteau. Ou cette vis sans fin. Et pour finir, cette machine étonnante qui fabrique à partir des petits grains que vous avez vus au début du film, toute une gamme d'objets qui va depuis la petite boîte transparente, que voici, jusqu'aux fleurs artificielles, artificielles mais très belles. Un chemin qui chemine, un rêve. reste de racines, c'est un peu solitaire. C'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil. C'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert. Un arbre millénaire, un nœud dans le bois. C'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air. C'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond. Le mystère profond, la promesse de vie. C'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide, le néant. C'est la pie qui jacasse, c'est la verse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de mars. C'est le pied qui avance à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose. Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire. Une écharde en bleu, c'est la fleur qui monte. C'est un conte à beaucoup, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, le trou du cœur. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces. Ce sont les eaux de mars, la promesse de vie. Et c'est Jacques, un serpent qu'il attaque, une entaille au talon. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison. C'est la neige qui fond, ce sont les eaux de mars. La promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de mars. Les eaux de mars avec la très belle voix de Nathalie Dessay. Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. La chimie verte est une nouvelle façon de concevoir la chimie. Elle se veut respectueuse de l'environnement, économe en matières premières, en énergie et en eau. Dans les laboratoires, on cherche des molécules d'origine naturelle pour faire des pesticides verts, des lubrifiants automobiles qui ne sont pas issus du pétrole. Stéphane Sarade, chimiste au CEA, aime raconter comment, dans les usines, on teint déjà des tissus par voie sèche avec du gaz carbonique dans de grandes cocottes minutes. Historiquement, 19e siècle, 20e siècle, l'industrie textile, l'industrie du cuir sont des industries qui vont utiliser des quantités phénoménales d'eau. Donc à cette époque-là, l'eau est gratuite, l'eau n'a pas à être retraitée, recyclée. Il n'y a pas de préoccupation particulière. À la fin du 20e siècle, ces industries-là ont été confrontées à, je dirais, une difficulté environnementale majeure. Et c'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, l'industrie textile et l'industrie du cuir ont été très sinistrées en France, parce que justement, elles ont été délocalisées dans des endroits où la pression environnementale était beaucoup plus faible. Donc, pour se réinventer, l'industrie du textile a dû réfléchir à la chimie verte. La chimie verte, ça veut dire faire exactement les mêmes opérations, mais en consommant très peu d'eau, voire pratiquement pas d'eau. Et un des axes majeurs de la chimie verte, c'est ce qu'on appelle les procédés secs, les procédés par voie sèche, où justement on ne va pas utiliser de solvants et d'eau en particulier. Dans le cas du tissu, il a été développé, il y a une vingtaine d'années, même un petit peu plus, un concept qui permettait d'utiliser un solvant qui s'appelle le gaz carbonique, que vous connaissez, le CO2. Et ce CO2 est mis un petit peu sous pression et en température, et il est ni liquide, il est ni gazeux, il est supercritique. Est-ce qu'on peut rappeler ce que ça veut dire, supercritique ? Alors, supercritique, c'est une phase de la matière. Vous connaissez les phases de la matière qu'on a tous expérimentées, la phase solide, la phase liquide, la phase gazeuse. Ben imaginez que tout corps pur, à un certain niveau de pression et température, ben ce corps pur n'est pas liquide, il n'est pas gazeux, il devient supercritique. C'est un état intermédiaire et il va présenter plein de propriétés intéressantes. Qu'est-ce qu'on en fait avec les tissus ? Alors, ce qu'on va faire avec les tissus, c'est que au lieu de mettre mon tissu dans une cuve remplie d'eau et de colorants, ben je vais mettre mon tissu dans un autoclave, une cocotte minute. Et cette cocotte minute, elle sera remplie de CO2 supercritique qui aura solubilisé les colorants. Et en 15 minutes, 30 minutes, mon tissu va être coloré. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand l'opération est terminée, j'ouvre ma cocotte minute, le CO2 est récupéré et je récupère mon tissu sans aucune utilisation d'eau. Ça veut dire que c'est plus sain pour ceux qui vont porter ces tissus ? Alors, c'est plus sain, mais c'est surtout beaucoup plus écologique. Je ne sais pas si vous savez quelle est votre dette en eau quand vous portez un t-shirt. Des centaines de litres. Voilà, des centaines de litres d'eau. Parce qu'il a fallu, de l'eau pour faire pousser le coton, il a fallu de l'eau pour l'industrie qui va fabriquer le tissu, mais il faut de l'eau aussi pour colorer ce tissu. Et donc, le fait d'utiliser des procédés par voie sèche, et c'est le cas des usines qui se trouvent à Taïwan et en Thaïlande, de la marque Nike. Nike a développé le concept du dry t-shirt, le t-shirt sec. Et leur publicité, c'est de dire, mais notre t-shirt et notre procédé nous a permis chaque année d'économiser des quantités colossales d'eau, et ils transforment ça en piscine olympique. Et c'est plusieurs centaines de milliers de piscines olympiques d'eau qui ont été épargnées par le développement de ce procédé. 29 avril 1965, télévision française, émission Visa pour l'avenir. Mais c'est tout ce qu'il y a de plus scientifique, vous savez, je viens de prendre quelques documents sur les plus belles réalisations de la chimie moderne, et cette chimie, vous la connaissez, et pourtant... Là, nous avons eu un exemple remarquable. Ces jeunes femmes sont habillées des pieds à la tête en produits synthétiques. Depuis 20 ans seulement, on connaît ces matières synthétiques. On connaissait les textiles et qui pouvaient aussi bien abriter du froid que du chaud ou pouvoir servir dans l'eau. Et maintenant, on fait aussi des cuirs synthétiques qui ont toutes les propriétés du cuir. C'est vraiment de l'alchimie, vous savez, maintenant. C'est plus de la chimie, c'est de l'alchimie. Mais pourquoi l'alchimie ? Eh bien, vous savez, les alchimistes, au Moyen-Âge, voulaient contrôler totalement la nature. Ils voulaient faire de main d'homme les produits les plus divers. Et actuellement, les chimistes, ces jongleurs d'atomes, arrivent à faire absolument à volonté des produits résistants à l'eau, à la chaleur. Et c'est ce que nous allons voir. Moi, je trouve que vous êtes un alchimiste. Oui, puis jongleur d'atomes, ça me plaît bien aussi. Alors, alchimiste, oui, parce que c'est peut-être la base de tout chimiste, cette volonté de pouvoir maîtriser la matière, la transformer, la transmuter, puisque c'est un petit peu ça l'origine de la chimie. Alors ça, c'est l'alchimie sur la métallurgie, hein, vous le savez, c'est transformer le plomb en or. Mais sachez qu'il y avait une autre branche de l'alchimie, notamment dans les pays arabes, où eux, ils cherchaient la panacée. La panacée, en fait, c'était la molécule capable de soigner tous les maux. Donc vous voyez, cette branche des alchimistes aussi était visionnaire en biotechnologie. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont inventé la distillation, ce sont les alchimistes arabes. Donc voilà, cette vision de pouvoir maîtriser la matière, la transformer ou trouver la molécule ultime, c'est dans la base peut-être de tout chimiste. Et vous l'avez trouvée, la molécule ultime ? Non, malheureusement, mais je crois pas qu'elle existe, en fait. Donc, c'est peut-être ce qui me rassure. Bon, revenons à la chimie verte. On parle beaucoup de pesticides, on parle beaucoup de traitements sur les cultures, on parle beaucoup d'intrants. Est-ce que la chimie verte a son mot à dire ? Oui, la chimie verte a son mot à dire, puisque l'objectif, c'est comment pourrait-on mettre moins d'engrais ? Comment peut-on mettre moins de pesticides et quelles molécules faudrait-il utiliser de manière alternative à ce qui a été utilisé jusqu'à présent ? Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé quand même et qui répond aux critères de la chimie verte qui permet d'engraisser les sols et de lutter contre les maladies ou les insectes? Alors, ce qu'on a trouvé, ce sont déjà des pratiques différentes. Je vous le dis, la chimie verte, c'est pas uniquement produire des molécules qui vont nous sauver. C'est regarder globalement dans son ensemble. Alors, si on parle d'engrais verts, ben les engrais verts, par exemple, qu'est-ce que c'est? Ce sont des plantes que l'on va faire pousser au milieu de plantations. Et ces plantes, elles seront pas récupérées, elles seront pas cultivées, elles seront pas utilisées, mais elles ont pour vocation d'être là pour protéger les autres plantes, pour préparer les cultures, notamment les racines vont fissurer le sol, vont préparer l'arrivée de l'eau, vont permettre d'aller chercher des entrants comme l'azote, le phosphate, dont vont préparer aux autres cultures. Ça, c'est une vision tout à fait disruptive de l'engrais traditionnel azote, phosphore ou potassium. Ça, c'est pour la partie engrais. Pour la partie pesticide, l'idée, ça va être de diminuer le plus possible la quantité de pesticides. 16 décembre 1959, Radio-Télévision française. Le café et sa chimie, le café décaféiné. La libération de la caféine à partir de ses combinaisons avec l'acide chlorogénique est généralement obtenue en faisant agir des moyens puissants, acides, alcalis, eau chaude, vapeur d'eau. Nous examinerons maintenant, très succinctement, quelques-uns des procédés proposés. L'un d'eux utilise le café vert moulu, que l'on traite à plusieurs reprises par l'éther et par l'eau chaude, avec addition d'ammoniac pour libérer la caféine de ses combinaisons avec les tanins. La caféine part dans la solution aqueuse, la matière grasse du café est extraite par l'éther, elle est récupérée en évaporant le solvant, puis elle est mélangée avec la poudre de café épuisée qui est enfin torréfiée. Un autre moyen consiste à épuiser le café par des solvants chlorés, comme le trichloréthylène ou le dichloréthylène, qui pénètrent aisément à travers la couche cireuse des grains. Il y a toutefois lieu de se préoccuper de savoir si les cafés ainsi traités n'ont pas retenu accidentellement un peu des substances utilisées au cours des opérations industrielles, et notamment des traces de solvants chlorés. C'était en 1959. Vous voulez un petit café ? Oui, alors pas décaféiné au trichloréthylène, puisque le trichloréthylène qui est évoqué dans cet enregistrement, c'est le même produit que vous sentiez quand vous rentriez dans un pressing, et qui est maintenant quasiment interdit un petit peu partout. C'est ce même solvant qui était utilisé pour récupérer la caféine. Et comment la chimie verte fait-elle du café décaféiné aujourd'hui ? Alors donc, dans les années 70, au début des années 70, des consommateurs de café décaféiné ont commencé à accumuler des traces résiduelles de solvant dans le foie, dans les reins. Et il a été démontré que c'était l'origine solvant qui était la cause de tous ces maux. Et donc les producteurs de café, les grands producteurs de café, n'avaient pas beaucoup de choix. Un producteur américain, qui est un des gros du café, Maxwell, donc General Food, a décidé d'acheter tous les brevets allemands qui existaient sur le CO2 supercritique comme solvant pour extraire la caféine. Et ils ont investi massivement dès les années 70 pour développer des procédés et des usines qui traitent plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an de café par CO2 supercritique pour récupérer la caféine. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la chimie verte plus généralement dans le domaine de l'agroalimentaire ? Je dirais que au-delà des bonnes pratiques de fabrication, la chimie verte aussi, je reprends l'exemple du CO2 supercritique, on se pose beaucoup de questions aussi pour maintenant aller chercher des traces résiduelles de pesticides dans les aliments. Donc il y a un vrai enjeu pour permettre d'avoir des aliments complètement débarrassés de toute trace résiduelle de chimie lourde. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'applications possibles en termes de décontamination, dépollution et de sécurisation en fait. On retrouve Stéphane Sarad après Billy Eilish, Bad Guy. Shirt now, red, my bloody nose, sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want. Because you're that type, I'm the bad guy. Duh. Dans quelques années, au mieux dans quelques décennies, nous aurons vidé les réserves de pétrole qui ont mis des millions d'années à se constituer. Dans des centaines de laboratoires, on imagine l'énergie du futur, ou plutôt les énergies. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il va falloir multiplier les sources et économiser. Certains imaginent même la mort de la voiture ou de l'avion. Pas Stéphane Sarade. Pour lui, le défi de l'énergie sera relevé par la chimie verte, comme c'est déjà le cas pour la pharmacie. Les médicaments du futur devront copier la nature en utilisant le moins possible de matières premières. D'un point de vue historique, moi je suis très fier puisque le père, un des pères de la chimie verte française, c'était le professeur Pierre Potier du CNRS, qui a réussi à faire une hémisynthèse d'une molécule, le taxol, qui était une molécule historiquement découverte dans les ifs américains et utilisée par la pharmacie, notamment pour combattre le cancer du sein. Mais il fallait des quantités très très importantes d'ifs américains pour produire le taxol. Et Pierre Potier et son équipe ont réussi à fabriquer, on appelle ça l'hémisynthèse, en partant de précurseurs, de fabriquer exactement la même molécule. Et donc, ils ont à la fois sauvé des femmes qui étaient atteintes malheureusement de cancer du sein, mais ils ont aussi sauvé en même temps l'if américain qui aurait disparu. Donc, la chimie verte, c'est aussi copier la nature. La chimie verte s'inspire beaucoup de la nature. On appelle ça la chimie biomimétique. Je ne sais pas si vous savez quelle est la pathologie qui tue le plus de monde à la surface de la planète. Le paludisme. Exactement, c'est le paludisme, c'est exactement ça. Donc vous savez qu'on meurt massivement dans le monde d'une maladie que l'on sait soigner. Mais elle s'adresse malheureusement à des pays qui sont souvent très peu solvables. Et pourtant on sait qu'il existe, la nature produit un médicament qui est extrêmement performant, qui est donc l'armoise, produit l'artémisinine, qui est une molécule qui permet de soigner de manière très efficace. L'idée maintenant, c'est de dire comment on va être capable de pouvoir faire de l'hémisynthèse, comme Pierre Potier l'a fait pour l'IF américain, pour produire des quantités très importantes d'artémisinine, de manière à en pouvoir en mettre partout. notamment dans les voiles des bébés, des berceaux des bébés, pour les protéger des moustiques, par exemple. Donc il y a un enjeu colossal d'être en capacité de produire des quantités importantes de molécules à faible coût. Et dans le domaine de l'énergie, on peut attendre beaucoup de la chimie verte. La chimie verte est attendue dans le domaine de l'énergie parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. 5 février 1980, FR3, les biocarburants. La recherche des carburants énergétiques, autres que les hydrocarbures, n'est pas nouvelle. Les chercheurs ont essayé tous les carburants possibles et imaginables. Mais jusqu'à ces dernières années, essence ou gazoil étaient abondants et meilleur marché que les autres énergies. Ce n'est plus le cas et la biomasse est sans doute le réservoir énergétique le plus abondant qui soit offert à l'imagination des hommes. Quand on parle carburant de substitution, on pense bien sûr tout de suite aux alcools. Cependant, il nous est apparu que la solution la plus immédiatement réalisable était de faire tourner un moteur diesel avec des huiles végétales. Il faut savoir, par exemple, que l'huile de tournesol possède à peu près 90% du pouvoir calorifique du fuel qui alimente normalement ce diesel et qu'il pourra fonctionner presque sans modification avec. Ça, c'était en 1980. On attendait beaucoup de la biomasse. Oui, mais je crois que... Ça a un peu changé aujourd'hui. Ça a un peu changé aussi parce que je crois qu'on a vu les choses beaucoup plus globalement. Ce qui est évoqué dans votre archive, c'est ce qu'on appelle les carburants de première génération. C'est-à-dire des carburants où il y a deux voies possibles. On va utiliser soit des huiles, et derrière on va fabriquer quelque chose qui sera proche d'un gasoil, donc un biodiesel, ou alors on va fabriquer à partir d'alcool, un carburant qui va plutôt être, lui, consommé dans les moteurs qui utilisent de l'essence sans plomb. Donc cette idée-là, c'est de dire, on va faire pousser, notamment en France, on va faire pousser du colza, du soja, pour avoir des matières, donc des triglycérides. Ces triglycérides, on va les traiter chimiquement par transestérification et on va faire ce qu'on appelle des esters d'huile végétale. Donc ça marche. Mais il y a un inconvénient majeur. Alors, il y a pour moi deux inconvénients majeurs. Le premier inconvénient majeur, c'est faire pousser des végétaux pour faire rouler nos véhicules, alors que, je vous l'ai dit, il y a un nombre incalculable de terriens qui n'ont pas accès à la nourriture. Moi, ça me pose un problème. Et puis, quand on regarde aussi là, ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire que pour faire ce carburant, bah, il faut des végétaux, donc il faut de la chimie, il faut mettre des intrants, il faut mettre des pesticides, il faut des machines qui vont faire la transformation. Alors ça a amené une association donc non gouvernementale allemande à faire ce travail d'analyse de cycle de vie sur notamment du biodiesel. Et en fait, eux, ils arrivent à la conclusion. Donc, ils ont repris les données données par l'Union européenne et ils ont fait un calcul d'analyse de cycle de vie. Et ils arrivent à la conclusion que sur du biodiesel, un biodiesel produit plus de CO2 qu'un diesel issu d'hydrocarbures. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on change de génération. Donc, on est passé, après les biocarburants de première génération, on est passé aux carburants de seconde génération, où là, l'idée n'est pas du tout de faire pousser des végétaux, mais d'utiliser des végétaux soit non alimentaires, soit des déchets végétaux. Et là, on va plutôt travailler sur l'acétate de cellulose qui va être transformé pour faire un carburant. Mais c'est pas tout à fait satisfaisant et c'est pour ça qu'on on parle beaucoup et on travaille beaucoup à l'heure actuelle sur les biocarburants de troisième génération qui sont étroitement liés aux microalgues. Et l'idée, c'est d'utiliser des microalgues qui vont pousser et produire des huiles. Et ces huiles-là, on va faire de la transestérification et faire des carburants. Et l'intérêt des micro-algues, c'est que déjà, ça pousse non pas sur Terre, mais ça pousse en mer. Et ça pousse pas en deux dimensions, mais en trois dimensions. Donc, ça permet d'avoir des quantités importantes en termes de production. Et il y a de nombreuses années, les Américains avaient fait un calcul, puisqu'ils s'intéressaient beaucoup, alors ça c'était avant qu'ils utilisent le gaz de schiste, et donc maintenant ces travaux-là sont un peu tombés en désuétude aux États-Unis, vous imaginez bien que bah voilà, c'est plus rentable d'utiliser du gaz de schiste que de faire pousser des micro-algues, mais ils avaient quand même travaillé sur des sujets intéressants en disant, bah, ce qui sera incontournable, c'est le transport aérien. Ça, vraiment, il nous faudra des carburants. Et comment avoir des carburants renouvelables ? Et ils avaient fait le calcul que, globalement, pour produire des carburants pour l'aviation civile, tous les ans, il faudrait mobiliser une portion d'océan équivalente à la taille de la Belgique. La Belgique est un grand pays, mais ramenée à la surface de l'océan, ça restait tout à fait raisonnable. Bon, on volera peut-être tous avec des micro-algues dans quelques années, donc. Ça a déjà été fait. Il y a déjà eu des vols qui ont été testés avec des carburants issus de micro-algues. Mais quand on parle d'énergie, on parle beaucoup de l'hydrogène. Où est-ce qu'on en est ? Alors l'hydrogène, c'est l'autre, je dirais, l'autre façon d'aborder l'énergie sur la façon chimie verte. Donc il y a effectivement les biocarburants et la production d'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique. C'est quelque chose qui est un peu qui fait le lien entre une production d'énergie et une utilisation. Alors l'hydrogène est intéressant puisqu'on va pouvoir faire tourner des moteurs avec. Mais la vraie question, c'est comment je vais fabriquer cet hydrogène ? Et historiquement, au XXe siècle, au début du XXIe siècle, pour fabriquer l'hydrogène, on faisait ce qu'on appelle du réformage du méthane. Le méthane, c'est un gaz, CH4. Et quand je dis CH4, je dis que je vais fabriquer du H2, mais vous imaginez que je vais fabriquer aussi du CO2. Et donc l'enjeu à l'heure actuelle de la production d'hydrogène, c'est peut-on fabriquer de l'hydrogène sans fabriquer de CO2? Et la réponse est oui. La réponse est oui. Comment on peut faire ça? On va faire ça en faisant de l'électrolyse de l'eau. Comme à l'école. H2O, c'est facile. Si on fait l'électrolyse, si on arrive à séparer les différents atomes, on va avoir de l'hydrogène. Et donc, il faut de l'énergie pour faire cette hydrolyse. Et l'idée, c'est d'utiliser de l'énergie décarbonée. Et donc, fabriquer de l'hydrogène qui n'aura pas de dette CO2. Est-ce qu'on fabrique déjà de l'hydrogène comme ça ? Oui, tout à fait. Ça commence à se développer. Et donc, il y a de nombreuses équipes de recherche, notamment des équipes de recherche au CEA, à Grenoble, qui ont développé des systèmes. Il y a des start-up qui ont été créées à partir de ces procédés. Donc, le plan hydrogène qui a été lancé en France, qui a pour vocation de monter en puissance sur un parc automobile qui va utiliser de l'hydrogène, est complètement connecté à ce développement. À votre avis, on roulera à l'hydrogène dans combien de temps ? En France, je crois que le plan hydrogène prévoit qu'il y a à peu près 5000 véhicules qui circulent en France à l'horizon 2022-2023. Voilà. Donc c'est un début. Et je pense que, dans un horizon d'une dizaine, quinzaine d'années, on peut imaginer qu'on va croiser sur les routes françaises à la fois des véhicules électriques et à la fois des véhicules qui vont utiliser ce qu'on appelle les piles à combustible, donc qui vont utiliser l'hydrogène pour fonctionner. Donc c'est comme ça que vous voyez le futur de la circulation ? C'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire je le vois décarboné. Je crois qu'on en a vraiment besoin et notre planète en a vraiment besoin. Un ours qui fume, je n'en crois rien. il faut que cela soit quelqu'un ou bien quelqu'un qui cherche à gagner la vallée, quelqu'un qui fuit, qui cherche un pays où vivre. C'était Bertrand Belin de Corps et d'Esprit. Les Saventuriers sur France Inter. Si vous avez encore du mal à imaginer ce qu'est un chimiste, ne retenez qu'une chose. Un chimiste est un grand enfant, très doué pour les jeux de construction. C'est l'ego à lui. Ce sont les molécules. Il en fait de nouvelles matières, des polymères, des médicaments. Stéphane Sarade, spécialiste de chimie verte, aimerait vraiment rendre notre planète plus habitable. Parmi ses rêves, l'utilisation du gaz carbonique comme matière première et offrir de l'eau douce à chacun. L'eau potable, c'est peut-être l'enjeu majeur du 21e siècle. Je crois qu'on va manquer d'eau avant de manquer de pétrole. Et il est vraiment urgent d'être en capacité de produire des quantités importantes d'eau potable. Et on peut mieux gérer l'eau avec la chimie. Alors la chimie, oui. Et puis avec les objets issus de la chimie, on peut mieux gérer l'eau. Donc là, vous savez que nous sommes sur une planète où il y a beaucoup d'eau. Mais malheureusement, cette planète, elle contient beaucoup d'eau salée. Et les besoins en eau potable augmentent avec la démographie. Et l'eau potable disponible diminue du fait de cette démographie, mais surtout aussi du fait des pollutions liées à l'urbanisation, à l'industrialisation. Donc on est vraiment dans un système qui est compliqué puisqu'on a de plus en plus besoin d'eau et on a de moins en moins accès à de l'eau douce. Et donc que propose la chimie verte ? La chimie verte, elle propose de développer des procédés qui vont permettre le dessalement de l'eau de mer, notamment ou des eaux salées, des eaux saumâtres. Et pour ce faire, il faut utiliser des filtres, des membranes, on appelle ça des membranes, qui sont des filtres avec des trous extrêmement petits, tellement petits qu'ils vont retenir tout, y compris le sel présent dans l'eau de mer, et ne vont laisser passer que l'eau. À l'heure actuelle, il faut que vous ayez en tête qu'on fabrique plus d'eau potable par dessalement que l'on raffine de barils de pétrole, dès aujourd'hui. C'est vrai ? Oui, tout à fait. Donc ça vous montre l'importance et l'enjeu qu'il y a sur la production d'eau potable. Et il y a des pays comme Israël, par exemple, où la stratégie de ce pays, c'est de multiplier par deux en 20 ans leur capacité de dessalement. Ces filtres dont vous parlez, sont-ils déjà utilisés ou c'est pour demain ? Alors ils sont déjà utilisés depuis de nombreuses années, depuis les années 70 à peu près. Et les enjeux de la chimie verte, c'est comment fabriquer des filtres qui sont en fait des films polymères, ce sont des plastiques qui sont développés. Et l'enjeu de la chimie verte, c'est comment fabriquer des membranes qui vont être plus robustes, plus résistantes, qui vont permettre des performances meilleures, qui vont être fabriquées à des coûts les plus faibles possibles. Donc vraiment l'enjeu de la chimie des polymères et de ce qu'on appelle le génie des procédés, c'est la science qui permet de faire marcher des procédés chimiques. C'est là aussi un point très important à l'heure actuelle. Autre exemple, récupérer la rosée du matin dans les endroits où il y a peu d'eau ou pas d'eau. Et là, la chimie verte peut agir. Alors c'est une idée qui n'est pas neuve, puisque sur le pourtour méditerranéen, les Romains avaient déjà mis en place des systèmes pour récupérer la rosée du matin. Ce sont ce qu'on appelle des tumulus, c'est-à-dire des empilements de pierres savamment disposées les unes par rapport aux autres. Et la rosée du matin qui se dépose sur l'ensemble de ces pierres, de ces rochers, va conduire à produire quelques litres d'eau. En Amérique du Sud, au Chili par exemple, j'ai vu des pièges à vent. Ce sont des espèces de toiles d'araignées qui sont mises au bord de la mer. Et ces toiles d'araignées permettent de piéger la rosée. Et donc on peut récupérer de l'eau. Aujourd'hui, on fait des pièges à vent modernes. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a, sophistiqué ces objets artisanaux, qui sont magnifiques d'ailleurs, en travaillant sur justement la qualité des matériaux, les propriétés physico-chimiques des matériaux, de manière à ce qu'ils puissent capter la rosée et qu'ils puissent la restituer. Tout ça à des coûts les plus faibles possibles, puisque l'objectif aussi, c'est de les mettre dans des endroits où malheureusement, on n'a pas beaucoup d'eau et donc pas beaucoup de ressources. Alors maintenant, on va imaginer l'avenir. Comment est-ce que vous voyez l'avenir chimique avec la chimie verte ? Alors c'est une vaste question et moi j'aime beaucoup me projeter dans le futur de la chimie verte et de la chimie tout d'abord et de la chimie verte. Je pense profondément que le vrai enjeu à l'heure actuelle de la chimie verte, c'est ce qu'on appelle la fermeture du cycle du carbone. On a tous appris à l'école ou ailleurs que le CO2, ce fameux gaz carbonique, qui nous pose quand même pas mal de problèmes, en fait c'est la forme la plus dégradée. Quand nous on mange des aliments, quand on respire de l'oxygène, on va produire du CO2. Donc c'est vraiment la forme la plus ultime de dégradation d'une molécule. Et l'idée à l'heure actuelle, c'est de partir du CO2 comme matière première. Et ça, c'est vraiment un rêve d'alchimiste pour moi. Et l'idée, elle est très simple. Donc, vous avez compris qu'on est capable de fabriquer de l'hydrogène en grande quantité, à des coûts de plus en plus faibles. En tout cas, c'est ce qui va se passer dans un futur assez proche. Et l'idée, c'est, ayant de l'hydrogène, ayant du CO2, c'est développer des procédés chimiques qui vont faire qu'on va pouvoir fabriquer du CH4, du méthane. Et en fait, on va remonter la chaîne CH4. On va pouvoir faire réagir ça, ces molécules, pour faire de l'éthanol, du méthanol, des molécules de plus en plus. Donc la fermeture du cycle du carbone, c'est de dire le CO2 n'est plus un déchet, ça peut être une matière première. Mais comment on le récupère ? Alors ce CO2, il faut le récupérer déjà là où on le produit. Et les grands producteurs de CO2, ce sont notamment les industriels, de la chimie notamment, puisque beaucoup de réactions chimiques produisent du CO2, notamment quand on fabrique des engrais azotés. Dans les cimenteries, il y a énormément, vous le savez, de CO2, dans les raffineries. Donc l'idée, c'est de capter ce CO2, de le purifier, de le nettoyer, de manière à pouvoir l'utiliser. Alors ça peut être notamment en envoyant ce CO2 vers des microalgues, de manière à booster la photosynthèse et produire beaucoup plus d'huile grâce aux microalgues, mais ça peut être aussi de faire réagir ce CO2, notamment avec de l'hydrogène, pour faire donc des molécules à haute valeur ajoutée. Stéphane Sarad, vous êtes un spécialiste de la chimie et un spécialiste de la chimie verte. Qu'est-ce que vous aimeriez inventer ? Il y a beaucoup de choses que j'aimerais inventer, mais je pense que moi j'aimerais inventer un système qui permet de fermer le cycle de l'eau. Nous sommes dans une société où l'eau qui sort du robinet, c'est quelque chose qui est complètement irréel, puisqu'on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas qui l'a produit, on ne sait pas où elle va aller. Vous savez que nous sommes dans un pays où nous avons des toilettes qui fonctionnent avec de l'eau potable. Donc tout ça, c'est quelque chose, moi, qui ne peut pas me convaincre d'un futur possible. Et donc l'idée, ça serait d'avoir des systèmes qui permettraient de travailler en boucle courte. C'est-à-dire de pouvoir recycler localement l'eau en permanence pour l'alimentation, pour nos toilettes, pour l'arrosage, et de vraiment être ce que nous appelons en boucle courte et non pas affilié à des réseaux qui sont certes très importants et très intéressants. Mais on voit bien que cette notion de boucle courte, on la voit avec l'énergie, avec l'arrivée de ce qu'on appelle les smart grids, c'est-à-dire des réseaux intelligents de petite taille. Moi, j'aurais le rêve de faire la même chose avec l'eau, de manière à ce qu'on puisse... c'est comme dans la science-fiction, ceux qui ont lu Dune, le roman de Frank Herbert, l'eau est tellement importante que les habitants le recyclent directement sur leur vêtement. Voilà, donc c'est ça. Presque ça votre rêve. Oui, ça serait ça mon rêve. Ouais. Ça serait ça effectivement d'être en capacité de pouvoir gérer cette ressource qui est merveilleuse, parce que la vie existe sur Terre grâce à l'eau, et je crois que tant qu'on n'en aura pas pris conscience, on ne sera pas en capacité de la protéger. Donc c'est ça aussi la chimie verte. C'est ça aussi, oui. C'est cette vision globale. J'y reviens, c'est peut-être ma conclusion, qui était aussi mon introduction. C'est que la chimie verte n'est pas une discipline de la chimie. C'est une nouvelle façon de concevoir la chimie, d'appréhender les processus chimiques et de les mettre dans un environnement, avec des gens, avec un écosystème. Et ça, c'est vraiment toute l'ambition de la chimie verte. Et avec du respect, j'ai l'impression. Oui, ben je crois que de toute façon rien de grand ne peut se faire sans respect, et je crois que si on ne respecte pas la nature, elle va nous le rendre très très rapidement. Stéphane Sarade est l'auteur de La chimie d'une planète durable, paru aux éditions Le Pommier. Cette émission, comme toutes celles de cette série, est disponible en podcast sur Internet. Tous les Saventuriers de l'été sont en ligne sur franceinter.fr. Stéphanie Texier réalise Les Saventuriers avec Rebecca de Nantes. La programmation musicale est signée Djoubaka, à la documentation musicale Romain Couturier. Merci aussi à Sabine Dahuron de l'INA pour les archives sonores. Demain, le biomimétisme ou comment copier la nature pour inventer de nouveaux matériaux, par exemple, ce sera avec Kalina Raskin qui dirige le Centre européen d'excellence en biomimétisme. Très bonne fin de journée sur France Inter et à demain.